commander en ligne, mais faire vivre le commerce en vrai. C'est possible. Et ça s'appelle épicerie.com, avec un Y. La nouvelle application qui soutient les commerces et restaurants de proximité en vous livrant le meilleur de leurs produits dans l'heure. Commandez dès aujourd'hui auprès de vos commerçants lyonnais. Épicerie, vive le commerce vivant! Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur une histoire qui défraya la chronique dans les années 90, le gang des Amazones. Entre l'hiver 89 et l'été 91, un groupe de 5 jeunes femmes sème la panique en s'attaquant à des banques, toutes situées dans des communes de la région d'Avignon. Pistolet et fusil canoncier à la main, fausse moustache et postiche, le procédé est toujours le même. En 3 minutes, le butin est embarqué. Pas moins de 7 banques sont ainsi attaquées en pleine journée. Mais qui sont ces jeunes femmes qui opèrent comme dans des films de série B? Des militantes d'extrême gauche ou d'extrême droite? Des droguées? Loin de là. Pour certaines, ce sont de simples mères de famille. Pour d'autres, des jeunes femmes lambda, du style girl next door, toutes ont l'accent provençal, toutes sont jeunes, la vingtaine, et toutes se désespèrent de leur position sociale précaire et de la chute de leurs illusions. D'autant qu'elles vivent dans les quartiers HLM de l'une des communes les plus chics du sud de la France, à Lille-sur-la-Sorgue, où chaque été, les célébrités parisiennes débarquent, louent des maisons avec piscine et jouent à la pétanque en buvant du pastis. Une cohabitation sympathique, sauf qu'elles-mêmes galèrent et ne peuvent pas se payer des vacances. Deux façons de passer l'été donc, deux visions de la France. Et pour Cathy, Hélène, Malika et les autres filles, c'est l'errance, l'amertume en bandoulière. Notre invité aujourd'hui, Yaël Anselem-Mingui, sociologue au Centre de Recherche sur les Liens Sociaux. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Bonjour. Je cherche une étudiante qui est chez vous, mais je connais pas son nom, juste son prénom. Vous ne venez pas vous inscrire aux examens? Non, je cherche une jeune fille qui est normalienne et qui s'appelle Nathalie. Elle est brune, mignonne. Mais c'est pas un centre de renseignement ici. Ah, mais soyez sympa, vous avez bien une liste. Pas question, fichez-moi le camp. Vous êtes dur. Non, allez, s'il vous plaît. Ah, ça va, putain. Vous avez déjà été amoureuse, non? Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a à part l'amour? Qu'est-ce qu'on a dans la vie? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Les lendemains qui chantent? Le grand marché européen? On a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et vous savez très bien que c'est pire que tout. Aidez-moi, quoi. Hein? Ok. Je vous passe le trombinoscope, mais il s'appelle Reviens. Le 22 novembre 1989, sort sur les écrans le film intitulé Un monde sans pitié. Réalisé par Éric Rochon, un jeune homme sorti de l'IDEC, l'école de cinéma parisienne, avec ses camarades Noémie Lobsky, Pascal Ferrand et Arnaud Desplechin, une génération montante qui tient à montrer la vie réelle sans artifice ni happy end. Ici, l'histoire est celle d'Hippo, un anti-héros désabusé dans une France en crise. Énorme succès dans les salles, les jeunes s'y reconnaissent et même... Le film d'une génération, comme l'affirment Jean-Paul Fitoussi et Pierre-Rosan Vallon dans leur livre « Le Nouvel Âge des inégalités » publié en 96. Parce que les temps sont durs pour ceux qui sont nés dans les années 60. Trop jeunes pour avoir fait 68 et trop vieux pour être l'incarnation de l'avenir. C'est donc de plein fouet qu'ils prennent le tournant de la rigueur économique imposée par le pouvoir socialiste en 82 et 83. Pourtant, le peuple de gauche y avait cru, changer la vie. Comme la poésie de Rimbaud qu'on apprend au lycée, bien sûr, mais c'est aussi le titre du programme socialiste dans les années 70. Un temps où flirte la politique et le romanesque. Mais la crise est passée par là, et avec elle son cortège de mauvaises nouvelles financières et d'appels à la résilience, même si le terme n'existe pas encore. En février 83, dans son édito titré « Vive la crise », Serge Julie écrit « Il faut rendre la crise positive, transformer des sujets passifs en sujets actifs, faire de citoyens assistés des citoyens entreprenants ». L'année d'après, Alain Minc publie « L'avenir en face » dans lequel on trouve cette étrange formule « Du pire pourrait bien sortir le meilleur, car partout sur les ruines, un dynamisme salvateur peut accoucher d'un monde neuf ». Une crise positive, un monde neuf, vive la crise en quelque sorte. Et voilà que bientôt, les médias tressent de laurier leur nouveau héros, un certain Bernard Tapie. Bernard Tapie, 39 ans, propriétaire d'un groupe de 42 entreprises et 8000 salariés. Chiffre d'affaires annuel, 5 milliards de francs lourds. Son ambition, devenir dans quelques années l'un des tout premiers patrons de France. Mais moi j'assume, je suis un vrai capitaliste, qui vit comme un capitaliste. Moi j'ai le droit au profit, je me le donne ce droit. Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir un jet, je l'ai gagné. Et voilà comment on entre dans les années fric. Avoir un jet et gagner. L'engouement pour le capitalisme est tel qu'on réédite les écrits de François Guizot. Oui, le théoricien libéral du 19e siècle qui proclamait « Enrichissez-vous ». Une véritable névrose s'empare alors de cette France qui se veut joyeuse, mais qui ne peut que constater la hausse du chômage et la détresse sociale. Une France schizophrène, qui célèbre les joies du capitalisme tout en participant au concert des enfoirés ou des restos du cœur. Un véritable casse-tête pour le PS au pouvoir. En juin 88, pas par gaieté de cœur, mais parce que les équilibres politiques l'exigent, François Mitterrand nomme Michel Rocard à Matignon, qui se démène pour sortir les jeunes de la précarité. Au Conseil des ministres du mercredi, la formation professionnelle. 4 milliards de francs pour que tous les jeunes de moins de 25 ans, ayant tourné le dos aux études, finissent tout de même par décrocher un CAP ou un BEP. Michel Rocard a défendu son projet dès la sortie du Conseil des ministres. L'idée centrale, vous la devinez, vous la comprenez, elle est dans l'ordre des mots. Elle est donnée à chaque homme ou chaque femme qui n'a pas pu sortir du système scolaire avec une qualification suffisante pour avoir chance de trouver un emploi convenablement rémunéré dans sa vie, de se voir offrir une seconde chance. Une seconde chance pour les jeunes, si seulement. Car les mois passent, et aux infos, les sujets se suivent, toujours plus alarmistes sur le terrain social, comme en témoigne ici Henri Krasuki, le secrétaire général de la CGT sur France Inter. J'ai même entendu l'autre jour à la télévision, à propos des Schtroumpfs de Lorraine, parler de CDII. Contrat à durée indéterminée, intermittente. Il fallait le trouver. Du précaire permanent ou du permanent précaire, comme on voudra. Ainsi s'écoulent les années 80, étrange cocktail de liberté joyeuse et de vulgarité fric. Mais on commence à se lasser de cette crise interminable. Plus que jamais, l'argent va à l'argent et nargue les laissés pour compte. Le néolibéralisme de Reagan, importé en Europe par sa complice Margaret Thatcher en Grande-Bretagne, triomphe. Et avec lui, son cortège de brutalité sociale. Le chômage, mais aussi les affaires, les scandales, une ambiance de fin de règne du côté de nos gouvernants, dans une atmosphère un peu crépusculaire. Pendant ce temps, pour beaucoup de jeunes, c'est la course à l'emploi. On enchaîne les postes en intérim. Où est cette fameuse seconde chance promise la main sur le cœur par Michel Rocard? Et quand on est une mère isolée? Eh bien, du côté d'Avignon, 5 copines s'interrogent, elles aussi, sur leur avenir. Elles sont excédées. Parmi elles, Fatia, qui préfère se faire appeler Cathy. C'est elle qui joue la meneuse. Oh, elle a de l'expérience, Cathy, et du caractère, du haut de ses 25 ans. En 84, une attaque à main armée l'avait fait connaître des services de police. Mais depuis, elle s'est calmée et vit de petits jobs dans l'hôtellerie. Ce qui est d'ailleurs le lot des autres filles du groupe. Aucune d'entre elles n'a poussé très loin ses études et maintenant toute galère. Surtout Hélène, 27 ans, qui élève seule ses 3 enfants tout en travaillant en boulangerie. Où est le père? Il les a laissés tomber. Elle et les petits. Heureusement, il y a sa mère. Mais est-ce que cela suffit? Alors, avec sa copine Carole, elle se lamente depuis leur lotissement de l'île sur la Sorgue. Les autres vivent dans un HLM de Robenas, le quartier défavorisé de la même commune. L'un de leurs voisins raconte à Alix de Saint-André, pour le magazine Elle, la vie qu'on mène dans ces quartiers paupérisés. Laurence et Malika, elles étaient calmes et renfermées, sans histoire. Le père de Malika et de Cathy, il a travaillé toute sa vie pour ses enfants. Maintenant, il est âgé et usé, il boit. Leur mère, elle est malade du cœur. À Rebenas, tout le monde finit comme ça. Ceux qui critiquent ne valent pas mieux. Tes parents, ils se sont tués au boulot pour toi. Tu les vois vivre avec des varices. Tu ne veux pas vivre ça. Donc si tu ramasses plus de fric en braquant une banque, si t'as la mentalité, c'est sûr, t'es tenté. Parce qu'il y a vraiment deux classes ici. Ici, en été, c'est encore plus branché que Saint-Tropez. Mais qu'est-ce qu'il y a pour les jeunes du coin? Des festivals? Non, ça, c'était pas pour nous. Ah, plus que les restos, les boutiques hors de prix, comme celles que fréquentent les personnalités qui débarquent chaque été. Comme dit Renaud, le chanteur, le Luberon, c'est la gauche caviar, les Alpilles, c'est la gauche piscine, et ici, c'est l'extrême-gauche truffe. C'est drôle, et c'est pas faux. Mais c'est si loin de la vie que mènent Cathy et ses copines. Alors, lorsque la CAF, la Caisse d'allocation familiale, envoie à Hélène un courrier le réclamant un trop perçu, là, c'est vraiment trop, et tout bascule. Comme elle le raconte, quelques années plus tard, dans le documentaire « Que personne ne bouge », produit par Canal+, et Le Point du jour. On était vraiment dans la galère. Bon, on a pensé à plusieurs trucs, parce que c'est sûr que pour se faire de l'argent, il y a plusieurs moyens. Et on n'était pas aptes, parce que bon, se prostituer, quoi qu'on ait rien contre ces femmes-là, parce qu'elles ont pas mal de courage, on ne s'en sentait pas capable. La drogue, ayant des petits, je ne m'en sentais pas capable non plus. Tout ce qui est agression sur les personnes âgées ou vol à l'arraché, c'est des gens comme nous, sans sous. Alors on a pensé de suite aux banques. Autour d'un café, on a décidé de réaliser le rêve de tout un chacun. Car tout le monde y pense, la seule différence, c'est que nous, on l'a fait. Et on a commencé. Hélène, cette jeune mère de famille à l'accent provençal qui braque une banque. Mais oui, et pas qu'une. Mais comment ces Amazones de la Cité des Papes ont-elles procédé? Elles en ont parlé autour d'un café, d'accord. Elles en ont ri. Mais après. Après, c'est ce mardi 24 janvier 1989, devant le Crédit Agricole de Lille-sur-la-Sorgue, où elle débarque, vêtue de treillis, de cagoules et de fausses moustaches. Toujours pour le documentaire « Que personne ne bouge », Cathy se souvient de ce premier braquage. Bon, il a fallu leur dire que c'était un dup, que personne ne bouge, comme ça se fait dans les films. Donc on l'a fait, et ma copine a ramassé l'argent. Et à un moment donné, elle s'est trouvée un peu en galère. Elle ne pouvait pas passer entre un bureau et le mur. Et il y avait un monsieur, je pense que c'était un guichetier de la banque, qui était très grand. Et donc, elle ne savait pas trop quoi faire avec lui. Alors, elle avait le pistolet. Il était hyper grand. Alors, elle lui faisait comprendre, parce qu'elle ne voulait pas parler, de se pousser. Puis lui, il a regardé comme ça. Et puis tout le long, il a laissé passer. J'ai trouvé ça marrant. Mais bon, derrière ma cagoule... je me retenais parce que j'ai failli m'attraper un fou rire là. Se rendent-elles compte de la gravité de leur geste? Apparemment, non. Et puis, les armes ne sont pas chargées, elles sont juste là pour la menace, pour faire vrai quoi. C'est Gilbert, le petit ami de Cathy, qui les leur a donné. Bien, mais où les a-t-il trouvés? On ne le saura jamais. Mais au gendarme, il dira: au départ, nous avions tous besoin d'argent. Alors Cathy nous a fait une proposition, et comme elle avait pensé à tout, on a accepté. Il accepte, certes, mais avant de prendre peur. Mais pas elle, qui une fois empoché les 116 000 francs du Crédit Agricole, le vire. Motif, trop nerveux au volant. Car enfin, pourquoi s'énerver? Ce n'était pas si compliqué, un hold-up. Et puis, le jeu en vaut la chandelle, comme l'explique Cathy, avec sa candeur désarmante. Alors ensuite, on est rentré à la maison... Et puis je me suis jetée sur le lit, et j'ai vidé le sac sur moi. J'ai envoyé les billes en l'air, c'était super, je disais on est riches. Et il y en avait plein. Plein de billets partout sur moi, je les balançais en l'air, ils volaient, ils tombaient sur moi, c'était super. On avait de l'argent. Hélène, genre mère courage, savoure avec ses enfants cette sensation d'avoir enfin de l'argent. Ce que je faisais avec l'argent, l'essentiel c'est... On courait vite à Auchan avec les petits pour pouvoir faire le plein. Alors on était heureuses. Et je me souviens qu'ils couraient tous dans les rayons pour choisir parce qu'ils avaient tellement été privés avant qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. Alors de longue, ils venaient nous demander ça, ça fait pas trop cher et ça fait pas trop cher. Et j'ai été contente de leur dire non, prenez. J'ai l'impression d'être riche quoi. Pas très à cheval sur les principes, nos Amazones recommencent. C'est stressant, oui, mais tellement facile. K Quelle excitation même de commettre ces hold-up entre copines, d'aller au farce et attrape de Cavaillon pour acheter des postiches. Et d'organiser les tours de garde pour les petits, c'est simple. Quand les unes partent à la banque, les autres font les babysitters, et comme ça, ni vu ni connu. Le système fonctionne si bien qu'en quelques semaines, plus rien ne les arrête. C'est ce qui s'appelle un engrenage. Dont acte. Le 15 février, elle braque le Crédit Agricole de Caumont. Butin, 26 000 francs. 11 jours plus tard, elle récidive, étonnamment dans ce même Crédit Agricole. Et ça valait le coup, car cette fois, elle empoche 73 000 francs. Puis le 5 mars, c'est sur le Crédit Agricole de Cavaillon qu'elle jette leur dévolu pour 30 000 francs. Un peu décevant, ça. Alors 15 jours plus tard, elle se tourne vers le Crédit Lyonnais du Pontet, une commune avoisinante. Et cette fois, elles ont droit à 40 000 francs. Mais une liasse de billets piégés explose qu'elle laisse dans la rue. Rien de grave. Mais au volant, Laurence commence à prendre peur. Parce qu'elle y voit comme un mauvais signe, un avertissement. Et elle a raison, Laurence. Car enfin, que fait la police? Ici, ce sont les gendarmes qui opèrent. Et pour le moment, ils ne sont pas bien alertes. Sauf qu'ils veillent en vérité, comme l'explique l'un d'entre eux. Le fait de se mettre dans cet engrenage, puissance, argent disponible, et ensuite on achète tout ce qu'on veut, ont fait qu'elles ont recommencé plusieurs fois. Mais il n'y a pas que les Amazones d'Avignon qui font cela. Les malfaiteurs, en général, font plusieurs méfaits. Et c'est à ce moment-là que les enquêteurs, qui sont des gens patients, en particulier les gendarmes, qui sont bien dans leur paysage, prennent le temps de travail pour eux, et vont tisser cette toile qui va permettre, telle l'araignée, de manger celui qui va recommencer. D'autant que ces Amazones commencent à perdre la confiance, comme disent les jeunes. Elles opèrent désormais à visage découvert et ne prennent même pas la peine de maquiller la plainte d'immatriculation de la R5 Rouge d'Hélène avec laquelle elles commettent les braquages. Et c'est ce détail, précisément, qui va bientôt les mettre en difficulté. Ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence. Elle ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat. Je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie de crever ton chat, comme envie d'accident de voiture. Je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi. France Inter, affaires sensibles. Vendredi 4 mai 1990, Saint-Saturnin les Avignons. C'est le sixième braquage pour les filles qui veulent cette fois 52 000 francs au Crédit Agricole. Mais là, le directeur de l'agence ne se laisse pas faire et il leur court après dans la rue en criant. panique. Au milieu des riverains qui s'affolent, les filles s'engouffrent dans la R5. Mais un agent de la circulation les repère et il note la fameuse plaque d'immatriculation. Un réflexe qui lui vaut d'être chaudement félicité par ses collègues. Des barrages sont érigés dans tout le secteur. Et quelques heures plus tard, Hélène et sa mère sont interpellées. Mais là, que découvrent les gendarmes ? Une jeune femme à l'accent chantant, sa mère qui leur assure l'alibi, elles ont passé la journée ensemble, et sur la banquette arrière de la voiture, de la viande et de la semoule en vue d'un couscous. Pas tout à fait le profil d'une voiture de braqueuse. Les gendarmes décident alors de perquisitionner la maison. Mais là non plus, rien de probant. Une maison qui témoigne de la vie précaire d'une mère célibataire. Rien de plus. Alors les gendarmes mettent l'enquête en sommeil. C'est-à-dire qu'ils lancent une observation continue d'Hélène et de ses amis sur le temps long. Au cas où, et comme l'expliquait le gendarme philosophe tout à l'heure. De leur côté, les filles, elles aussi, décident de se calmer. Repli stratégique. Durant 14 mois, chacune des Amazones tente de se faire ainsi oublier. Cathy s'envole pour Porto Vecchio, où elle travaille dans un bar. Hélène reprend du service à la boulangerie. Et Laurence trouve un job auprès d'un forain à Fontaine de Vaucluse. Mais la relation avec son patron tourne mal. Il la renvoie. Laurence est choquée, en colère. Et grande est la tentation de se venger. Alors elle craque et appelle Cathy. Et évidemment que Cathy va l'aider. Elle est capable de vous braquer puis de vous donner sa chemise pour vous aider, dira d'elle la gendarme quelques temps plus tard. Mais c'est durant ce modeste cambriolage dans la maison du forain, le patron de la copine donc, que les filles vont tomber. Dix jours plus tard, à 6h du matin, les gendarmes débarquent chez Laurence. Bingo, ils y trouvent les 3000 francs, l'appareil photo et le blouson de cuir du forain. Le choc est rude pour la jeune femme. D'autant qu'il la questionne violemment, jusqu'à ce qu'elle avoue son forfait. Puis il la pousse à téléphoner à Cathy pour lui demander où est l'arme. Or, au téléphone, Cathy ne sait pas qu'elle est sur haut-parleur et elle pousse Laurence à ne rien avouer à personne, jamais, pire encore. Voilà que soudain, elle prononce le nom d'Hélène. Tu te souviens, Laurence, le coup du supermarché, ça avait marché. Le combiné à l'oreille, Laurence blêmit. À côté d'elle, les gendarmes jubilent. Elle a dit, nie tout. Rappelle-toi, quand Hélène s'est fait arrêter pour la banque, elle a tout nié, ils l'ont relâché, te relâcheront. Et de là, après, les gendarmes m'ont regardé et ils ont dit, oh, venez, venez vite, il y a une Amazon ici. Vite, vite. Et ils font vite, les gendarmes. Filent à Porto Vecchio à interpeller Cathy. Bientôt, ils sont une trentaine autour d'elle, équipés de matraques et de fusils. Le grand jeu. Puis, c'est au tour d'Hélène, de Gilbert, de Carole et de Malika d'être interpellés. Le gang est démantelé. Le 23 juillet 2001, le journal de France Inter s'en fait l'écho. Femme peut-être, mais gangster aussi jusqu'au bout des ongles. Un gang de 5 femmes vient d'être démantelé. Elles ont commis plusieurs braquages depuis 2 ans dans le département du Vaucluse. Il a fallu plusieurs mois pour les arrêter, mais c'est maintenant chose faite, Nicolas Godefroy. Elles avaient pour surnom le gang des Amazones. Les 5 amies qui s'étaient spécialisées dans l'attaque de banque sont désormais sous les verrous. Âgées de 21 à 29 ans, ces jeunes femmes, dont 2 sœurs et une mère célibataire de 3 enfants, agissaient par équipe de 3 depuis 1989. Inculpées de vol à main armée, les Amazones, dont les identités n'ont pas été révélées, ont été écrouées à Nîmes, Toulon, Marseille, Valence et Avignon. Détention provisoire de 5 à 13 mois selon les profils et dans des prisons différentes, bien sûr. Pas question que les Amazones se croisent et fomentent un nouveau coup. Toutefois, face au gang, la juge d'instruction prend une décision étonnante et salutaire. En fait, elle mise sur le temps long et elle déclare « On aurait pu les juger rapidement, mais je suis parti d'une idée qui m'est chère, c'est qu'un délinquant ne peut pas être réduit à l'erreur qu'il a commise. » Paris est donc fait d'un jugement assez loin dans le temps pour laisser aux filles le temps de se réinsérer, de trouver un job, un vrai, et donc, et en principe, d'arrêter les braquages. Le 19 septembre 1996, toutes se retrouvent devant la cour d'assises des Vaucluse. Tailleur strict, cheveux attachés, yeux baissés, toutes veulent faire bonne impression. Enfance, études, fréquentation. Devant les juges se déversent des biographies en dents de scie. Il n'empêche, selon l'accusation, les Amazones auraient dérobé aux banques un total de 300 000 francs. Ce qui ne fait pas plus d'ailleurs que 50 000 euros aujourd'hui. À la barre, Hélène raconte. Vous savez, c'est angoissant de braquer une banque. Mais avec l'argent, moi, j'allais faire des courses avec les petits. Une fois, j'ai même pu emmener ma mère chez Auchan. Le président est médusé. Les experts psychologues ne décèlent aucun trouble chez les prévenus, aucune particularité. En revanche, ils s'étonnent. Les femmes sont davantage enclines à l'escroquerie. Ce sont les hommes qui commettent des braquages à main armée, pas les filles. On n'est pas à un cliché près. Alors quoi? Les temps auraient-ils changé? Un peu, oui. À l'été 91, tandis que nos Amazones se faisaient arrêter, il faut se souvenir que les Français découvraient avec délice le film Thelma et Louise de Ridley Scott. Une histoire de copines qui transcendent la loi, le machisme et la médiocrité de leur vie. Et surtout, cette envie de vivre. Vivre à bord de leur voiture décapotable, fusil au poing, à fond la caisse. Un vrai road movie. Le film, hollywoodien en diable, fait un carton dans les salles. Alors du côté de la cour d'assises, les jurés sauront-ils s'en souvenir? Pourront-ils se montrer conciliants envers ces filles qui braquent les banques en criant que personne ne bouge, comme dans les films? Feront-ils preuve d'humanité? Envers Cathy surtout, qui en tant que cerveau de la bande, risque 10 ans de prison tout de même. L'heure est grave en ce mois de septembre 1991. Mais la juge avait vu juste. Le gang est parvenu à se réinsérer. Gilbert, qui n'avait participé qu'au premier braquage, est devenu maraîcher. Cathy est toujours serveuse, même si elle préférerait être secrétaire. Malika, elle a rencontré un rugbyman qu'elle a suivi en Australie, où elle vend de la lavande. Laurence est devenue femme de chambre. Hélène, elle a repris le chemin de la boulangerie et élève ses trois enfants avec l'aide de sa mère. Carole, enfin, vend des olives sur les marchés. Son copain témoigne. Carole, elle vend des olives et de la tapenade, elle vend du soleil, alors je la vois pas rentrer dans une banque avec une arme. Signe particulier, elle est la seule à continuer de nier. Le 21 septembre 1991, à 3h du matin, les jurés rendent leur verdict acquitté, comme le raconte Anne-Laure Danier sur France Inter. Les jurés ont pris tout leur temps, mais pour 4 des 5 braqueuses, ça valait la peine d'attendre. La détention provisoire couvre les peines infligées, elles sortent libres du tribunal, et pour Fatia Mahamar, l'organisatrice des hold-up, c'est plus qu'un soulagement. C'est fini, je souffle, je respire, parce que 5 ans, c'est long. J'étais dehors, mais moralement, c'était comme si j'étais dedans, quoi. C'était pire. Sa sœur Malika va pouvoir retourner travailler en Australie. Laurence Foucrier va retrouver son fils et Hélène Trinidad, ses trois enfants. C'est génial de se retrouver en liberté. On a eu très peur, quoi, mais c'est bon. Je sais pas quoi vous dire, en fait. Je préfère partir et aller voir mes petits. Les jurés ont en fait choisi la réinsertion plutôt que la sanction. L'avocat d'Hélène Trinidad, Maître Billet. C'est un verdict d'espoir. On a rejeté les très sévères accusations et réquisitions de Monsieur le procureur général. Pour certaines d'entre elles, 10 années d'emprisonnement. Je constate que les jurés ont suivi la défense et notamment ont considéré que la réinsertion réussie de ces différentes jeunes filles devait être prise en considération. La sanction a uniquement frappé Carole tout court. Celle qui a toujours nié malgré des témoignages accablants restera 2 ans derrière les barreaux. La liberté donc pour ces filles qui agissaient à la fois comme des têtes brûlées et comme des amatrices. Preuve en est, la foi au Cathy n'a pas pu s'empêcher de remettre en place son brushing tout en pointant son arme sur les guichetiers. Et elles en ont bien ri, sans doute, de leurs exploits et de tous ces billets qui volaient au-dessus de leur lit comme dans un clip de rap. Mais comment résister à l'argent facile lorsque le pouvoir d'achat ne décolle pas, qu'on a 20 ans et qu'on a envie de vivre? À l'issue de ce procès, tous ont compris que les Amazones n'étaient pas des délinquantes en puissance. Simplement, leur démarche était chaloupée, chaotique, comme leur vie. En témoigne le patron du café Le Négo à Lille-sur-la-Sorgue, dans le reportage d'Alix de Saint-André. Ça me fait encore tout drôle, vous savez. C'est des petites que j'ai connues saucisses, peu chères. Si vous les voyez, menues comme elles ne sont pas méchantes. Après tout, c'est de l'argent de bandits qu'elles ont pris dans les banques. De l'argent qu'ils nous volent à nous, les cons. avec leurs emprunts à 18%. Ça, c'est pour le côté Robin des Bois de nos Amazones. Maintenant, à Lille-sur-la-Sorgue, quel est l'impact de ce procès? Qu'en dit-on sur les terres chics à 500 mètres des HLM des filles, là où on lit Le Monde et la Gazette de l'Hôtel Drouot, là où l'on devise sur la mort de Mitterrand ou le traité de Maastricht? Oh, certes, monsieur le maire, ce serait bien passé d'une telle publicité. Mais c'est une histoire qui a positivement animé les dîners des célébrités et des jeunes filles bien nées. Un gang de filles, ça vous donne des petits embruns à la Florence Artaud, ça nous rendrait presque fiers. D'habitude, dans les casses, les filles sont au mieux bonnes à conduire l'auto de la fuite. C'est sans doute ce brin de fierté féministe qui donne envie à la réalisatrice Solveig Anspach de leur consacrer un film dont vous avez pu entendre quelques extraits. Depuis, les filles n'ont pas replongé, non. Elles regrettent même, et amèrement, cette part folle de leur jeunesse, tant elles l'ont payé cher, et tant elles s'y sentent désormais enfermées. Alors, il arrive que les regards d'Hélène et Cathy s'assombrissent, avant d'être traversés par une lueur furtive qui dirait quelque chose comme « Oui, c'est vrai qu'on a déconné, mais nous, on l'a fait ». France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le gang des Amazones. On en parle avec Yael Anselem Mengi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue au CERLIS, le centre de recherche sur les liens sociaux, rédactrice en chef de la revue Agora et auteur des Filles du coin, apparu aux presses de Sciences Po en 2021, et de l'Atlas des jeunes avec Joachim Thibautéo, aux éditions Autrement en 2012, et vous êtes dans les studios de France Bleu à Lille, que nous remercions pour leur accueil. Voilà. Alors, on l'a vu, hein, cette histoire de gang des Amazones est étonnante à plusieurs niveaux. Tout d'abord parce qu'elle met en scène non pas des braqueurs, mais des braqueuses, donc des filles, qu'elles ont l'air finalement assez sympathiques, et que le choix de l'illégalité, alors ici le vol à main armée, ben on s'aperçoit qu'il peut s'imposer chez des jeunes normalement insérés, parce que si la société les a pas vraiment insérés, vu que leur niveau de vie est très pauvre, avant de faire ces braquages, il n'y avait jamais eu un moindre geste illégal. C'est troublant de voir comment on peut basculer comme ça, de la légalité à l'illégalité. Alors, je pense que ce qui est intéressant dans les parcours de toutes les cinq jeunes femmes qui se sont prises dans ce gang des Amazones, comme il s'est appelé, c'est justement comment, en fait, elles n'étaient pas encore insérées dans la société. C'est-à-dire qu'elles étaient des citoyennes, mais elles n'avaient pas de place, comme beaucoup de jeunes dans les années 90, puisqu'on est à une période où le chômage des jeunes est extrêmement élevé, et où, ben voilà, on est sur un contexte où même le président de la République de l'époque disait « En matière de lutte contre le chômage, tout a été essayé et tout a échoué. » Et donc, bon, elles sont en voie d'insertion, elles sont, voilà, mais pour autant, elles ne le sont pas encore. Et elles ont, à côté d'elles, des gens extrêmement riches, qui disposent de capitaux économiques extrêmement forts, de capitaux culturels extrêmement forts, et c'est ça aussi qui va montrer l'intérêt de leur histoire et montrer en fait comment elles se retrouvent au milieu de rapports sociaux de classe sociale, de rapports de territoire, elles vivent en milieu rural, de rapports d'âge, elles sont jeunes, et puis de rapports de genre, c'est des femmes, et c'est aussi ça qui a beaucoup beaucoup étonné tout le monde à cette époque-là, c'est que c'était des femmes et qu'elles ont fait un braquage en main armée. Dans leur état d'esprit, c'était on vit dans une société injuste. Après tout, quand on n'a plus beaucoup d'espoir, c'est presque moralement légal peut-être pour elles de répondre de cette façon à une société qu'elles estiment comme violente. Peut-être qu'il y a ce sentiment-là, ce sentiment d'impunité-là. Alors je ne sais pas si c'est moralement légal et que c'est comme ça qu'elles l'ont vécu. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est de vivre et de subir l'ensemble des inégalités, de devoir toujours dire non à ses enfants ou de regarder les prix, de comparer en permanence tout et de pas pouvoir avoir le luxe à un moment de prendre un produit dans un supermarché et de se dire « Allez, je le prends, je regarde pas ». Il y a de l'épuisement, de la précarité et donc, elles, dans leur parcours, ce qui est intéressant du point de vue de la sociologie, c'est combien transparaissent leurs conditions de vie et la précarité de leurs conditions de vie. Elles sont précaires, elles n'ont pas d'emploi ou des emplois qui sont ceux des femmes, alors souvent à temps partiel subi, elles sont en CDD, elles sont dans de la vente, mais du coup, quand on est dans la boulangerie, il faut se lever hyper tôt le matin, c'est pas forcément juste à côté de chez soi et tout ça. Et elles sont pour deux d'entre elles, avec des enfants en bas âge, dans des situations, pour souvent, c'est elles qui ont la charge des enfants. Et donc, elles vont se retrouver dans des situations où il y a les solidarités familiales qui vont fonctionner. Hein. Les mères viennent aider pour s'occuper des enfants et tout ça, mais ça suffit pas pour pouvoir sortir la tête de l'eau, juste sortir la tête de l'eau et même pas vivre correctement. Il y a une phrase émouvante, d'ailleurs, dans le récit, je ne sais plus laquelle, qui dit « Avec cet argent, j'ai pu emmener ma mère chez Auchan ». Je crois que le juge est touché quand il entend ça. Cette phrase est terrible. J'ai pu emmener ma mère chez Auchan. Vous vous rendez compte de la chance que j'ai eue à ce moment-là. Oui, mais c'est pareil quand elle dit, j'emmène mes enfants, on courait au supermarché faire le plein. On avait le luxe de ne pas regarder les prix. Enfin voilà, c'est toutes ces expressions-là, en fait, qui montrent bien combien elles sont dans des situations de pauvreté, en fait. Elles sont même plus dans des situations de précarité. C'est ce que vont décrire aussi les gendarmes. On arrive chez des gens et finalement, on se rend compte que il n'y a pas de l'opulence et des billets partout, des dorures partout, non. Ils sont chez des personnes qui n'ont pas d'argent. Ah oui. Alors, cela dit, on peut répondre que la précarité n'explique pas tout. Tous les pauvres ne braquent pas des banques. Il y a aussi une question de caractère chez ces filles-là. Qui sont-elles ? Vous êtes penchée sur leur cas, j'imagine. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que déjà elles sont en groupe, elles sont cinq, c'est des jeunes femmes. Elles ont une une organisation entre elles. Et puis, alors moi, je ne les connais pas, je n'ai pas fait d'entretien avec elles ni rien. Mmh. Mais ce qu'on voit, c'est la force de leur groupe et la complémentarité de leur parcours et de leur rapport à la société, au terrain, et de se dire, on essaye. On ne sait plus quoi faire, on essaye. Elles ont imaginé plein de choses pour faire de l'argent et finalement, elles vont essayer quelque chose qui n'est pas simple, hein, qui est difficile, le passage, enfin, voilà, le passage à l'acte, le braquage, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est violent à penser. Elles le disent dans le documentaire qui a été fait par Solveig en page. Elles disent bien combien c'est fatigant, combien c'est épuisant, combien on en sort rincé. Et donc, ça vient rompre aussi avec ce côté, j'arrive dans une banque, je braque une banque et après, je bois un coup. C'est pas si simple bien que sûr, ça. Évidemment. Immensément stressant, effrayant, évidemment. Malgré tout, il y a ces moments de fou rire. C'est étonnant quand encore l'une des filles, c'est presque si elle ne demande pas au guichetier si elle est bien coiffée au moment où elle le braque. Il y a un côté, pied nickelé sympathique aussi. Bah, c'est comme ça qu'elles vont le raconter, c'est aussi comme ça qu'elles vont être médiatisées. C'est-à-dire, c'est des femmes et on les prend au sérieux sans vraiment les prendre au sérieux, comme des braqueuses, puisque d'un coup, on va plus raconter la même histoire que si ça avait été des hommes. Et je pense qu'il y a un biais de genre sur la manière de raconter ce groupe-là et elles vont aussi pouvoir en jouer et se re-raconter les histoires. Mais elles font avec les moyens du bord, elles font des braquages autour de chez elles, hein, quand on regarde la carte que ça dessine, c'est vraiment très très à proximité, voilà, elles vont pas aller vers des endroits où il y a énormément d'argent, elles vont dans les banques locales, elles vont, voilà, c'est des filles du coin qui vont rentrer dans des actes de délinquance et qui vont commettre des braquages. Moi j'en ai pas rencontré dans l'enquête que j'ai faite, mais on voit bien qu'elles ont pas des voitures, des grosses cylindrées pour aller extrêmement loin, y compris pour gagner, enfin, pour faire un braquage très fort ou pour aller dépenser cet argent. Elles vont dépenser très proche aussi. Voilà, et c'est une R5. Et finalement, on a fait le compte. L'ensemble des butins se monte à 300 000 francs, ce qui fait pas même moins de 50 000 euros aujourd'hui. C'est pas non plus un énorme butin. Et puis divisé par 5. En plus, divisé par 5, oui. Bah oui, effectivement. Donc voilà, enfin, ouais. C'est pour ça que. Ce qui est important et ce qui a été pris en compte dans l'affaire judiciaire et ce qui est intéressant, c'est en fait cet argent, elles n'en ont pas acheté des grosses cylindrées, elles n'en ont pas, voilà, elles n'ont pas changé de conditions de vie. Cet argent, il leur a permis d'aller faire le plein au supermarché. Et je pense que par cette phrase-là, on comprend l'épuisement de la précarité et on comprend ce qui se passe à un moment quand on a 25 ans et qu'on ne trouve pas de travail et qu'on n'a plus d'idées. Parce qu'on est jeune, parce qu'on est femme, parce qu'on est de milieu populaire, parce qu'on vit en milieu rural, parce que, et qu'on cumule tout un tas d'inégalités, et qu'on se retrouve à un moment acculé face, en plus, à des allocations sociales qui ne viennent plus parce qu'il y a eu un trop-perçu et qu'il faut qu'on rembourse. Et il y en a une qui raconte ça très très bien dans le documentaire. Voilà. Et puis, d'un point de vue encore judiciaire, on rappelle qu'il n'y avait aucune intention de violence, au contraire, les armes étaient factices, c'est important quand même. Oui, alors ça, c'est important. Après, du point de vue de la loi, quiconque attaque avec une arme, même si elle est j'entends en plastique... Voilà, mais moralement, mais c'est important. Mais elles n'ont pas eu l'intention de blesser. Exactement, il n'y a pas de violence. Et puis, ça nous renvoie aussi à ces informations qu'on entend régulièrement, et ça continue, de ces femmes ou de ces hommes qui, dans les supermarchés, volent 2-3 produits parce que ce sont des produits de première nécessité qu'ils ne peuvent pas s'acheter. Ça renvoie à ça aussi, hein. Oui, voilà. Et puis, ça renvoie aussi aux images des femmes qui doivent prendre en charge leurs enfants, coûte que coûte. Mmh. Et donc, c'est aussi 5 parcours de jeunes femmes, ce qui a pas mal perturbé en fait les gendarmes qui dès le premier braquage pensaient qu'ils avaient affaire à des hommes. Elles étaient grimées en hommes, mais en plus, les modalités des braquages correspondaient aux braquages genrés masculins. Et ça a beaucoup participé aussi à ce que le début ne fonctionne pas avec le résultat de l'enquête. On va écouter Marie-Flore. On se retrouve, bien sûr, Yael Anselem-Mingui dans 3 minutes. On écoute donc Marie-Flore qui nous chante cette circonstance mal barrée. C'est mal barré, oh chérie. Je te resserre un café. Il est un peu serré. Tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier. Enfin, c'est ce qu'on dirait. Encore une fois, l'amour s'arrête là. Encore une fois, il reviendra. pas compliqué. Oh chérie, peut-être me suis-je emballé. Ou c'est juste, juste lui qui s'emballe. Ou moi qui me suis fait des idées et lui simplement désiré. Mais je sais qu'un jour viendra l'amour. Il a juste pris un détour. Anselm Mingui, vous vous souvenez du film de Colin Serrault, La Crise ? Vous m'entendez ? Oui. Oui. Oui, oui, tout à fait. Vous souvenez du film de Colin oui. Serrault. Bien, Colin Serrault nous dit beaucoup de choses sur la société, ces films sont des scanners de la société. On va écouter un extrait qui va nous mettre dans une ambiance qui illustre une atmosphère de l'époque dont nous allons parler après. Vous entendez souvent dans nos journaux le mot « crise », un terme si fréquemment prononcé que Colin Serrault en a fait le titre de son nouveau film. Je vous rassure tout de suite, Colin Serrault nous propose avec Vincent Lindon et Patrick Timsit une autre façon de voir cette crise. Elle est l'auteur, je vous le rappelle, de « Trois hommes et un couffin ». Papa, regarde ce que j'ai trouvé sur la table de la cuisine. Quoi ? C'est une lettre de maman qui dit qu'elle s'en va. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah bah merde, c'est le bouquet. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Thérèse ? C'est votre lettre de licenciement, Victor, c'est affreux. Je comprends pas pourquoi elle m'a quitté, vous comprenez ? Je comprends pas, si seulement je pouvais comprendre. Moi, je serais vous, j'essaierais déjà de comprendre comment elle a pu rester avec vous. Maman s'en va, un film très années 90. Il y a aussi dans ces années-là les films Nikita, par exemple, le chef-d'œuvre de Luc Besson, un coup de poing extraordinaire. Mais aussi la même année, Sailor et Lula de David Lynch, Palme d'Or au Festival de Cannes tout de même. Et comme on l'a vu dans le récit, le film Thelma et Louise de Ridley Scott. Tous ces films nous parlent de ce désir de transgression, de liberté, d'émancipation féminine, fût-ce dans la violence, parfois. C'est un courant porteur à l'époque, car c'est l'époque de l'histoire qu'on a racontée aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est que ça illustre bien aussi la manière dont on va raconter des femmes qui sont actives, qui sont volontaires, qui prennent leur vie en main. Et typiquement, dans La Crise, c'est toute cette histoire-là. Hein. Mmh. Qu'il s'agisse de la femme de Vincent Lindon ou de la mère de Vincent Lindon, on va bien retrouver des femmes qui disent au bout d'un moment nous mettre dans des cases à des endroits qui seraient ceux qu'il faudrait dans lesquels on soit, sans qu'on soit épanoui, sans qu'on soit heureuse, sans qu'on en ait les moyens et qu'on soit tributaire de nos conjoints ou de nos maris, c'est plus possible. Et donc, dans les différents films, c'est bien ce qu'on voit, c'est des femmes qui passent à l'action, qui parfois passent à l'action dans la violence pour transgresser les normes de genre, pour transgresser les représentations liées à la féminité. La chanteuse Diams, je pense à elle en vous écoutant, qui émerge dans les années 90, en pleine année rap. Parlons d'émergence de ce genre musical, si vous voulez bien, qui part de banlieue et ruisselle en milieu rural et qui agrège les filles aussi. Oui, alors Diams, elle est arrivée dans le rap au milieu des années 90, vers 1993-94. À cette époque-là, elle n'était pas du tout connue encore. Elle a vraiment émergé à la fin des années 90, mais elle fait partie de toute une génération de rappeuses. C'est elle qui a, voilà, qui a qui est resté dans le temps, mais on pourrait en citer plein, qui ont largement aussi pris leur place dans un courant musical qui exprimait les situations d'inégalité raciale, sociale, territoriale. Et puis donc, elles ont rajouté les inégalités de genre et d'âge. Et donc, c'est des choses qu'on va voir après dans plein d'autres courants musicaux, mais qui ont été très présents dans le rap, qui aujourd'hui est un des genres musicaux les plus écoutés par la jeunesse. Est-ce qu'il y a un nom en sociologie pour désigner cette classe d'âge née à la fin des années 60, puisque ce sont des gens qui ont autour de 20 ans au début des années 90? Ouais, alors on pourrait dire que c'était post-baby-boomer ou des voilà, parce qu'ils sont nés juste après, par exemple. Il n'y a pas vraiment un nom à donner et voilà, qui serait construit. Mais c'est s'il n'y a pas de nom, il y a au moins une situation. Est-ce que cette jeunesse-là a plus souffert que les autres, c'est une génération encore plus sacrifiée que celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est votre sentiment? Alors je ne sais pas si on pourrait dire plus ou moins. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les années 90, c'est marqué par un très fort taux de chômage des jeunes. Et on sait que la pression du chômage de masse va tendre sur les salaires, va tendre sur les premières activités, et donc va participer à précariser des parcours de vie. Ce qui va largement impulser dans les années 90, c'est que l'entrée dans l'emploi, ça va pas être significatif de fin de la précarité, et on va rentrer dans des nouvelles formes de pauvreté, y compris du salarié pauvre qui ne va pas pouvoir subvenir à ses besoins malgré son travail. Et donc on va voir notamment chez les femmes, qui sont particulièrement concernées par la précarité dans les années 90, des contrats de travail et des conditions de travail particulièrement précaires, avec du temps partiel subi, des contrats à durée déterminée ou de l'intérim qui ne fonctionnent pas, et du temps de travail fractionné qui n'est pas du tout compatible avec à la fois la vie familiale, mais aussi qui n'est pas compatible avec ce qu'on attend en France pour pouvoir s'insérer dans la vie, à savoir le CDI. Puisque le CDI était à cette époque-là et reste encore, et moi je le vois bien dans l'enquête sur les filles du coin, le Graal, pour accéder aux prêts bancaires pour acheter une voiture, essentielle en milieu rural. Pour louer un appartement aussi. Pour louer un appartement, même, voilà. Et surtout aussi, mais même pour acheter une machine à laver en trois fois. Puisque si on n'a pas un tout petit peu de moyens, on peut même pas acheter une machine à laver. Et donc on va voir comme ça en milieu rural l'importance des solidarités familiales et notamment les liens mère-fille dans les milieux les plus populaires, parce que c'est comme ça que on peut quand même s'en sortir. Il y a la mère qui va apporter des ressources, alors qui sont pas économiques parce qu'on est dans des milieux sociaux où il y a pas de ressources économiques qui sont transférables, mais qui va permettre qu'on utilise sa machine ou qui va permettre de garder les enfants. Et garder les enfants, ça veut dire qu'on peut trouver du travail à condition que la mère elle pas du boulot en même temps. Alors très rapidement, parce qu'il nous reste 50 secondes, vous étudiez donc la vie en milieu rural, des jeunes en milieu rural. Quel est l'aspect spécifique et le handicap des jeunes en milieu rural aujourd'hui, s'il fallait en extraire un qui saute à la figure, comme le nez au milieu de la figure? Je pense pas que ça soit un handicap. Je pense que juste les jeunes en milieu rural, de milieu populaire, se retrouvent majoritaires en milieu rural et pour autant au conflit et à la jonction d'énormément d'inégalités qui passent notamment par l'éloignement des grandes métropoles et des pôles universitaires et des pôles culturels et une mise en scène et une mise en image et une représentation de la jeunesse qui n'est que métropolitaine, urbaine, en très bonne santé, de classe supérieure et avec des codes culturels qui ne seraient que ceux de l'urbanité. De France, encore une fois. Exactement. Merci Yael Anselem-Mengi. Merci infiniment, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le gang des Amazones, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.